bon matin. C'est tellement bon d'être ici avec vous. Je ne sais pas pourquoi les émotions montent déjà tout de suite. Là, c'est mais je suis content de chanter, de célébrer et de se dire ensemble, Seigneur, parle-moi, montre-moi ta volonté, je vais t'obéir. Je voudrais prier. Seigneur, quelle joie d'être en ta présence ce matin. Quelle différence avec toutes les religions du monde. Nous avons accès, nous avons communion avec le Dieu vivant, créateur, rédempteur, conforteur, si je peux dire. Merci Seigneur pour ta présence ce matin parmi nous. Merci pour l'Église rassemblée et merci pour ta parole. Et Seigneur, mon désir ce matin, c'est que ta parole puisse avoir ce libre accès, ce libre direction dans nos cœurs pour nous inciter à te suivre, pour nous inciter à te célébrer, pour nous inciter à te donner toute la gloire. Alors Seigneur, utilise ma bouche, mon cœur, utilise ta parole, ton esprit et bénis-nous ensemble autour de toi et de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Facile à voir quand il y a moins d'eau. Vous savez que bientôt, nous aurons les 32e Jeux olympiques, Tokyo 2020, en 2021, à la fin juillet, début août, là, 23 juillet au 8 août. Alors, après les séries de la Coupe Stanley, c'est déjà fini, hein? On va maintenant se tourner. Les yeux du monde vont se tourner vers Tokyo pour ces Jeux olympiques-là. Vous savez, depuis ses débuts, maintenant on parle des 32e Jeux olympiques de l'ère moderne, mais au tout début, dans la Grèce antique, les Jeux avaient pour objectif, pour idéal à Olympe en Grèce, de célébrer l'harmonie qui était possible entre les êtres humains autour d'un idéal de dépassement de soi. Les Jeux olympiques ont été institués en Grèce dans le but de célébrer cette harmonie entre les peuples. De ce temps-là, c'était pas un gouvernement fédéraliste comme on a, il y avait différentes cités-États, et chaque cité-État était souvent en guerre les unes contre les autres, mais quand venaient les Jeux olympiques, les diverses cités-États déclaraient une trêve qui était rituelle pour que la tenue des Jeux puisse se faire. Et là, on partait d'Olympe et on allumait une flamme, la flamme olympique, et là, on la traversait dans toutes les cités-États pour inciter les gens à cette solidarité entre les humains. C'était un effort formidable de créer l'harmonie dans le monde. Et dans nos Jeux olympiques modernes, bien, on a récapitulé certaines choses. On m'a dit que c'était à... Est-ce que je l'ai mis à « on » cette fois-ci? Habituellement, j'ai oublié. Et dans le drapeau olympique, par exemple, on a récapitulé ces notions d'harmonie entre les peuples avec les cinq cercles qui sont joints ensemble, qui correspondent aux cinq continents de la Terre, les six couleurs, le blanc inclus, dans lesquelles tous les drapeaux du monde utilise certainement une de ces couleurs-là. Alors, la notion de couleur et d'anneau reflète encore cette harmonie qui est recherchée, qui est représentée et qui rappelle l'essentiel de l'esprit olympique. C'est beau, c'est merveilleux, les Jeux olympiques. Je suis ça, moi aussi. Ça a l'air que même les plus jeunes ne pourront pas même s'asseoir dans le stade, là, le grand public, ça va être juste à TV. Mais cette recherche de l'harmonie, quand je regarde les Jeux olympiques ou ailleurs, est de plus en plus difficile à se démontrer sur le terrain. Vous entendez peut-être qu'il y a des pays qui boycottent les Jeux olympiques. On ne va pas là, nous autres, parce que, faut pas moi, la Chine est là. Puis si la Chine est là, ben nous autres, on ne sera pas là. Fait qu'on on débarque de ça. Il y a d'autres personnes qui ne pourront pas marcher sous leur drapeau national. Parce que, je sais pas, il y avait trop de dopage dans leur pays, puis là, leur pays ne peut pas venir représenter des athlètes qui peut-être sont dopés. Fait que là, eux autres, ils vont marcher tout seuls, sans drapeau, ou sous le drapeau olympique. Mais ils ne pourront pas représenter leur pays. Même cette année, les Jeux olympiques ont permis à ceux qui allaient sur le podium d'exprimer leur protestation contre quelque chose. Parce que tu gagnes une médaille, parce qu'on va te placer sur une plateforme que toute la Terre va voir, tu vas avoir le droit cette année d'exprimer des protestations au sujet de quelque chose. Ça l'enlève un peu la démonstration de cette harmonie dans le monde. Puis je ne veux pas parler du marketing, tout l'argent qui mène tout autour de ça, puis les chimailles, les chicaneries politiques dans lesquelles on utilise les Jeux olympiques pour ça, ça brouille vraiment l'esprit olympique. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est fondamentalement égocentrique. L'être humain recherche fondamentalement son intérêt personnel. Puis dans cette dimension-là, bien ça creuse, ça ne crée pas l'harmonie, ça creuse des fossés entre les humains. Plutôt que de développer cette harmonie-là. Pourtant, le christianisme est différent. Le christianisme présente le pardon, la réconciliation, l'harmonie comme caractéristiques essentielles qui sont peut-être difficilement observées dans le monde, mais qui demeurent pas moins le ministère fondamental de réconciliation entre les hommes que Dieu recherche à travers les croyants. Parce que Dieu a confié aux croyants le ministère de la réconciliation. Réconciliation verticale avec Dieu, mais aussi réconciliation, harmonie horizontale, les uns envers les autres. Et ce n'est pas anodin que Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 14 et 15, prend une bonne partie pour considérer des principes pour développer l'harmonie entre croyants. Et il part de la situation des Juifs et des païens dans l'Église de Rome, mais sa perspective est beaucoup plus large pour développer des principes d'harmonie entre les croyants de toute nation, de toute période, de tout temps. C'est le dernier message sur développer l'harmonie entre les croyants. Mais dans les trois derniers messages, on a parlé de trois principes fondamentaux. D'abord, le principe de l'accueil, qui est le principe fondamental. Le verbe proslambano, prendre vers nous. Et on a montré que l'harmonie, elle se développait lorsque le fort, il réalise et il accueille. Le fait que les autres croyants, ça se peut qu'ils ne pensent pas comme moi. Ça se peut qu'ils pensent différemment. Alors le fort, lui, c'est celui qui prend l'initiative pour s'ouvrir à l'autre, pour s'ouvrir aux faibles, parce qu'il se pense un peu plus fort, pour soutenir le faible. Il s'ouvre aux faibles. Il veut l'attirer à lui. Il veut l'inclure dans ses conversations, dans sa marche, dans ses sentiments, plutôt que de regarder ses opinions différentes puis de le juger, le pousser, l'écraser, s'embarquer par-dessus. L'accueil. Un deuxième principe qu'on a vu, c'était la notion de la conviction. L'harmonie, elle se développe lorsque le fort, il y a de fermes convictions bibliques. Des convictions bibliques sur lui-même d'abord. Qui est-il face à son frère qui pense faible dans la foi? Des fortes convictions envers son frère dans la foi. Hey, il est un serviteur bien-aimé de son maître. Puis, qui suis-je, moi, pour l'écraser? Et des fermes convictions envers Dieu d'abord aussi, parce que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Puis Dieu va prendre soin de mon frère, puis Dieu va prendre soin de moi, puis moi je vais réagir positivement, dans la bonne manière, de sorte que je vais pouvoir rendre compte à Dieu. Et troisièmement, le dernier message du mois dernier, le principe de l'édification. L'harmonie, elle se développe lorsque le fort, et il manifeste de la considération pour ce qu'éprouve l'autre. Pas juste pour qu'est-ce qu'il croit ou croit pas, mais comment il se sent. Et le fort, il est sensible, il montre de la considération pour ce qu'éprouve l'autre personne. Et ayant de la considération pour ce qu'il éprouve, ben, il recherche à la fois la paix et à la fois l'édification mutuelle, même si pour cela, ça devrait lui coûter un petit peu de sa liberté personnelle. Le fort, il sait écouter l'autre et il veut construire avec lui. Ce matin, nous allons voir plutôt la fin de l'argumentation. Paul va terminer son argumentation en présentant, ben, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'objectif de ces principes-là? Et il va nous expliquer, j'espère, dans les Écritures, que c'est en goûtant à l'harmonie entre les croyants qu'en réalité, nous célébrons Dieu. C'est quand on développe cette unité entre les croyants qu'on donne gloire à Dieu, qu'on glorifie Dieu. Alors, dans Romains au chapitre 15, les versets 7 à 13, Paul va conclure la section en rappelant sa première recommandation. Accueillez-vous donc, il dit. Il avait commencé par ça dans chapitre 14, verset 1. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, il dit, accueillez-vous, recevez-vous. Et quelle est ma motivation pour ça? Bien, comme Christ vous a accueilli. J'ai besoin de développer cette harmonie parce que, savez-vous quoi? Le Christ, c'est ce qu'il a fait à mon égard. Il m'a accueilli, il est venu me chercher, il est venu me sauver. Ça, c'est la motivation. Mais non seulement accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli, mais accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. Parce que l'objectif maintenant, ce n'est pas juste qu'on se sente bien les uns entre les autres, qu'on ait le bonheur de régler nos petits conflits personnels, mais l'harmonie entre les chrétiens, ça a pour objectif de glorifier Dieu. C'est bien plus large que ma relation avec ma sœur ou mon frère ou ma relation d'enlever les conflits dans l'église locale. C'est plus large. Dieu va nous inviter et va nous inciter à goûter à l'harmonie pour sa gloire. Alors, la question qui me vient en tête, bien, de quelle manière, en quoi est-ce que l'harmonie entre les croyants, ça glorifie Dieu? Comment ça que Dieu est glorifié si on a de l'harmonie entre nous? En quoi ça a l'affaire avec Dieu dans un sens? En quoi est-ce que ça lui rend gloire? Et Paul va présenter deux manières dont l'harmonie entre les croyants glorifie Dieu. Et ça, c'est dans le texte de Romains au chapitre 15, et je vais lire les versets 7 à, les 7 à 13. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Psaume 18. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Deutéronome 32. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, dit le psaume 117. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Ésaïe chapitre 11. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. En quoi est-ce que l'harmonie entre les croyants glorifie-t-elle Dieu? Deux manières. Premièrement, l'harmonie entre les croyants, elle manifeste l'œuvre infiniment variée de Dieu. Elle manifeste le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans l'histoire, selon Éphésiens chapitre 1, verset 10, c'est de réunir toutes choses en Christ. Réunir, unifier, harmoniser toutes choses en Christ, les choses d'en haut comme les choses d'en bas, tout réunir ça dans l'harmonie avec Christ comme cœur, comme centre. L'harmonie entre croyants juifs et païens, pour ce qui est de l'Épître aux Romains, bien, ça reflète cette unité-là. Et Paul de mentionner, dans le plan de Dieu, Dieu est demeuré fidèle et continue de demeurer fidèle envers les Juifs, envers les circoncis, envers Israël. Parce que, d'une part, ce que Dieu a promis à Abraham, ce que Dieu a promis à Moïse, ce que Dieu a promis à David, ben, il a continué de confirmer ces promesses-là qu'il avait faites au Père. Il a continué de confirmer ces promesses-là en envoyant Jésus. Et ils ont envoyé Jésus comme rédempteur, comme celui qui allait racheter pour pouvoir réunir toute personne. Alors Dieu a envoyé son Christ, le Messie. L'évangéliste Luc nous dit dans chapitre 1, verset 77, « Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Et il va rappeler cette notion-là de divers peuples. Je vais juste lire Luc 1, verset 68 à 70. Il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre. » Pour donner à son peuple, Dieu a le pardon des péchés, la connaissance du salut. Dieu continue d'être fidèle à sa parole envers les Juifs, envers Israël. Son plan pour la nation d'Israël se continue encore aujourd'hui. Romain va nous dire plus tard, Dieu, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ce qu'il a promis pour Israël, il y a encore des promesses qui demeurent pour lui. Alors, Dieu envoie son fils Jésus, premièrement pour demeurer fidèle envers sa parole, pour accomplir ses promesses, mais aussi, dans le bon plan de Dieu, Dieu a envoyé son fils et a manifesté ainsi sa miséricorde envers les païens. D'une part, il est fidèle envers l'Israël, et d'autre part, il est dans son plan, il est miséricordieux envers les païens. Et pour être sûr qu'on le croit bien, Paul va citer 4 citations de l'Ancien Testament pour montrer que dans le plan de Dieu, juifs et païens pouvaient être harmonieusement placés ensemble pour le célébrer. Dieu a envoyé son fils Jésus. Et dans le verset 9, il dit, pour qu'il glorifie, que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. » Dieu a désiré inclure les païens dans son plan de réunir toutes choses en Christ. Et il avait promis à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Et alors David va dire, « C'est pourquoi moi, un juif, que c'est un jour, et je voudrais le faire, je vais être capable de te louer où? Parmi les nations, parmi les non-juifs. Et même, de l'autre côté, au verset 10, il est dit encore, « Nation, maintenant, réjouissez-vous avec son peuple. Vous, païens, réjouissez-vous avec Israël. » En réalité, Paul, il va citer un peu plus loin, un peu avant, dans Romains 9, 10, 11, lorsqu'il parle de la relation entre le christianisme et l'Église et le peuple juif. Il va mentionner une prophétie d'Osée qui dit « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Dieu, dans son plan à Osée, il a dit « Un jour, là, je vais appeler mon peuple, ceux qui m'appartiennent, des gens qui n'étaient pas mon peuple, des gens qui n'étaient pas Israël. Et plus que ça, ces païens-là, là, ils vont être appelés fils du Dieu vivant. » Ça, c'est vous et c'est moi. Quelle miséricorde Dieu a eu dans l'Ancien Testament en regardant en avant son plan d'harmonie entre les nations. La générosité divine, elle s'est étendue jusqu'à nous. Et nous, païens, nous avons goûté cette miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que Paul y insiste qu'à la fois, Israël loue Dieu parmi les nations, et à la fois, les nations se réjouissent avec Israël. Et il termine un troisième, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Alors, ce n'est pas juste Israël qui se réjouit parmi les nations, c'est les païens qui se réjouissent avec Israël, de sorte que tous les peuples célèbrent Dieu. C'est dans le plan de Dieu, cette harmonie entre les peuples. J'aimerais lire un peu plus loin. Paul l'explique un peu différemment dans Éphésiens au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 13. Il dit, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, » C'est qui ça qui était jadis éloigné? Les païens, les non-juifs. « Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, juif, non-juif, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation. Il voulait faire l'unité, l'harmonie, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, en Jésus-Christ, avec les deux, juif, non-juif, un seul homme nouveau, l'Église, établissant la paix. Et réconcilier l'un et l'autre, juif, non-juif, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ça c'est nous autres, les païens. Et il est venu annoncer... Est-ce que je suis rendu? Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, Israël. Car par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres, Israël et les nations, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dieu a enlevé toute barrière pour unir juifs et non-juifs, circoncis et incirconcis dans un seul peuple qui célèbre Dieu dans l'harmonie. Dans Romains chapitre 9, 10, 11, la section sur Israël, Paul il dit aux païens, il dit à nous autres, faites attention. Comment vous considérez le fait que Dieu a permis que certaines personnes d'Israël tombent et qu'ils ne bénéficient pas du salut à cause de leur incrédulité? Il dit, manifeste pas de l'orgueil envers eux. Rappelle-toi plutôt que c'est la racine qui te porte. Rappelle-toi plutôt, païens, vous et moi, que c'est Israël, c'est le peuple, c'est l'olivier de Dieu, c'est lui qui te tient. Et s'il y a des branches qui ont tombé à cause de leur incrédulité, regarde la sévérité de Dieu. Fais attention, pas trop de vanter trop fort, parce que Dieu pourrait aussi te débarquer. Rappelle-toi que c'est Israël qui te tient. Rappelle-toi que c'est Israël qui est ta racine. L'Église, malgré ce qu'on entend quelquefois, je ne suis pas de cet avis-là, l'Église n'annule pas Israël. L'Église continue Israël et l'Église extensionne l'Israël en y greffant les païens. Mais je n'ai pas vu de promesse où Israël y a tout perdu. Au contraire, c'est ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que Dieu a envoyé Jésus pour confirmer ces promesses-là, pas pour débarquer Israël. L'Église n'annule pas Israël, mais elle le continue. Et elle extensionne par l'ajout des païens. Parce que Jésus est devenu notre paix, notre centre d'harmonie. Et bientôt, il est mentionné, selon la prophétie d'Ésaïe, Jésus va se lever, il va revenir ici-bas et il va régner sur toutes les nations. Sur le monde entier, et la terre va pouvoir voir l'harmonie entre les peuples. La terre, les nations vont espérer en lui. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Des nations espèrent. Un jour, Dieu, Jésus va revenir et va établir la paix sur la terre. Parce que voyez-vous, depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui, l'Évangile produit l'harmonie entre les croyants. En Inde, on voit les hindous. Il semble que chaque peuple a sa propre religion, a sa propre culture spirituelle. Mais le christianisme, il s'étend dans toutes les nations de la terre, toutes, par l'évangile des gens qui sont très différents culturellement et qui proviennent des extrémités d'un monde du monde à l'autre. Ils peuvent être ensemble, œuvrer ensemble et célébrer Dieu d'un même cœur. Et savez-vous quoi? Quand ça existe entre les nations, entre les croyants, les non-croyants regardent ça et disent « Wow, il y a quelque chose là! » Voyez comme ils s'aiment. Et je me réjouis, moi, de plus en plus dans nos églises évangéliques, on voit une multi-ethnicité. Et je trouve que c'est une grande, grande, grande bénédiction d'avoir des gens de différents horizons, de différentes cultures, de différents peuples, qui toutes les nations ensemble se réunissent pour célébrer Dieu. Quelle bénédiction! Ça me rappelle quand j'étais pasteur à Beauport, à un moment donné, on était rendu à peu près 125. Et un dimanche matin, 50 Congolais arrivent pour le culte du matin. ils sortaient des camps de réfugiés avec les guerres de Hutu puis Tutsi. Ils étaient arrivés à Beauport, puis ils ont cherché dans la liste de téléphone, je ne sais pas trop, puis Baptiste était dans les premières lettres, tu imagines. Ils sont venus chez nous, 50 le dimanche matin, quelle bénédiction! Les hommes parlaient un petit peu le français, puis les dames ils parlaient Swahili ou différentes langues qu'ils avaient, puis... Alors, on a vu leurs besoins, on a rempli le sous-sol de linge, de couverture, de n'importe quoi, puis on les a invités à venir ramasser. Ils sont arrivés en août, alors ils ne savaient pas eux autres que le mois de novembre, la température changeait. mais on les a aidés matériellement d'abord, fait par comment on fait partir une cuisinière électrique, parce que c'était pas ça, puis si je mets pas à off la cuisinière, ben l'huile que je fais chauffer sur le poêle qui chauffe, c'est de m'en donner, le feu va prendre. Alors j'ai été à quelques reprises à des alarmes de pompiers, parce que l'huile avait chauffé un peu trop, il avait oublié, pas ça, il savait pas, il avait besoin d'aide, simplement. Mais avec le temps, ces gens-là venaient à l'église et on a pris quelques hommes qui pouvaient entendre le français des prédications, puis le traduire en swahili pour les dames, ben pour les dames, les hommes ou certains hommes, ils ne parlaient pas non plus français. Et là, on avait un petit groupe en arrière qui faisait la traduction simultanée, puis on se réjouissait de ça. Mais à un moment donné, il y a des gens de ce groupe-là, de ces hommes qui viennent me voir puis qui disent « Nous, on aimerait avoir notre culte séparé de vous autres parce qu'on aurait bien plus de liberté à chanter nos chansons de chez nous puis à participer à l'Évangile. Mais on serait chez... je pourrais être le pasteur de... » Il faut dire que les Blancs, les Nord-Américains qui vont en Afrique, quand ils arrivent, ils ne servent pas trop longtemps dans l'église. Ils sont tout de suite pasteurs. Fait que nos Congolais qui viennent ici et commencent à s'organiser dans une église, c'est tout de suite, je vais être pasteur. C'est pas une question de me faire élire ou de quoi. L'ecclésiologie, c'est un peu différent. Mais on s'est attaché et on a dit non. Non, parce que c'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. Vous avez quitté un pays où il y avait de la division, où il y avait de manque d'harmonie. Et même entre vous, quand vous venez ici, là, moi, je ne sais pas la différence entre un Hutu ou un Tutsi, mais eux autres, ils le savent. Et c'était pas tout fini, cette histoire-là, rendue au Québec. Et on a dit non. Célébrer, louer le Seigneur, toutes les nations, d'une seule bouche, d'un seul cœur, j'aimerais que vous puissiez, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. On en a perdu la moitié. Mais l'autre moitié est demeurée. Quelques années après, on avait un diacre qui venait de cette communauté-là, puis il sert encore le Seigneur dans la région de Québec. Mais louer d'un seul cœur. Intégrer les nations ensemble. Que c'est beau. J'ai eu le privilège d'aller enseigner à Shefferville, à Kawawachikamak, chez les Naskapi. Et je m'occupais d'une petite, quelques familles chrétiennes ensemble. Et j'étais édifié de leur sensibilité à l'Esprit de Dieu chez les Autochtones. Sensible à l'impact que Chimamanda, le Dieu créateur, fait dans leur cœur. Ça m'étonnait. Ça m'étonnait. Je disais, nous, les Blancs, là, si ce n'est pas matériel, si ce n'est pas systématique, si ce n'est pas scientifique, si c'est, on ne peut pas toucher et voir, ça n'existe pas. Et pour eux autres, toute la vie était sous le regard de ce Chimamanda, chrétien ou pas, là, dans un sens. Là, il y avait besoin d'entendre l'Évangile qui sauve en Jésus-Christ, mais leur sensibilité à le Créateur nous parle. Il nous parle à travers la vie, à travers la nature. Ils allaient chasser un caribou, et puis ils coupent la tête, puis ils l'accrochent sur une branche haute, et ils se placent devant ça, puis ils disent « Merci, Chimamanda, parce que sa vie, sa mort contribue à ma vie et t'a pourvu à ma vie par sa mort. » Quel bel exemple de l'Évangile. Je m'en suis servi à bien des égards. D'autres cultures, d'autres peuples ont différentes sensibilités. Et c'est dans la coopération, c'est dans l'inclusion de ces différentes cultures, de ces différentes nations que l'Église est enrichie. Apocalypse chapitre 5. Quand Jean est élevé, est pris par l'Esprit, puis est amené, puis il voit le trône de Dieu au ciel, il voit quatre êtres vivants, quatre vieillards. Et ces quatre vivants, ces quatre vieillards, ils louent le Seigneur. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Quelle merveille! Et puis tu as fait deux, un royaume et des sacrificateurs, et un jour, ils vont régner sur la terre. Quel beau plan de Dieu! Quand il y a l'harmonie dans le peuple de Dieu, il rend gloire à Dieu. Il manifeste le merveilleux plan de Dieu pour la terre, pour l'univers, pour l'éternité. Deuxièmement, l'harmonie entre les chrétiens, elle manifeste le caractère de Dieu. Quand il y a de l'harmonie entre les croyants, ça ne fait pas juste manifester le beau plan que Dieu a de réunir tous les hommes en Christ, dans le ciel et le ciel, mais ça manifeste aussi son caractère, le caractère de Dieu. L'harmonie entre les croyants reflète ce caractère de Dieu, alors que quand il y a la discorde parmi les croyants, ça l'envoie un message au monde et ça distord la vue des gens de Dieu, la vision de Dieu est crochée, est tordue. Quand les non-croyants regardent les croyants et ils ne voient pas l'harmonie. Paul va dire au tout début de son épître aux Romains, chapitre 2, verset 24, lorsqu'il va parler aux Juifs, il va leur dire, « Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les nations. » Parce que vous, Juifs, vous n'agissez pas selon le plan de Dieu, vous n'avez pas l'harmonie, l'unité que Dieu recherche. Le monde vous regarde et qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment Dieu à cause de votre manque d'obéissance, de marche avec Dieu. Quand l'Église locale, quand les croyants ne manifestent pas l'harmonie, elle donne l'opportunité au monde de blasphémer contre Dieu. Pourtant, il y a une harmonie et une communion parfaite qui existe entre les personnes de la Trinité. Quand Jésus est venu ici, il était en parfaite communion avec le Père. Il disait, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et il disait, « Moi, je suis venu, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. » Et dans l'Église, le croyant, lui, Jésus a fait la promesse que le Fils, le Père, le Fils et l'Esprit allaient faire leur demeure dans le croyant. Jésus a dit, « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu parce que Dieu aussi demeure en lui. Le croyant devrait exprimer ce caractère d'harmonie, d'unité qui est permanent en Dieu. Aussi, l'Église, elle manifeste visiblement la personne du Dieu invisible. L'Église, c'est la manifestation visible de la personne et du caractère de Dieu. Timothée va dire, l'Église, c'est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, dans les temps anciens, quand on faisait un temple, une grande construction, on plaçait toujours ça sur des grandes colonnes. Si vous regardez le Parthénon en Grèce, c'est toujours des grandes colonnes, même si ça a des tout petits toits, là. Nous, on va faire des 2x8 ou des 2x10, je ne sais pas, dépendamment du poids du toit et de la neige et tout ça, là. Mais eux autres, il n'y a pas de neige, puis il n'y a jamais rien par-dessus le toit, mais ce sont des grosses colonnes. Il y en a plusieurs pour un temple. Est-ce que ça sert seulement d'appui? Non. C'est la colonne, parce que sur chaque colonne, Elles sont décorées, elles sont gravées, elles racontent une histoire, elles racontent une vérité, que c'est Tite qui a vaincu Jérusalem, ou que c'est ce grand empereur, ce grand pharaon, ce grand empereur, voilà tous ses exploits. Et les gens, ils regardent la colonne et ils sont attirés par la vérité que la colonne leur révèle. Et Dieu dit, Paul dit aux croyants d'ici, vous êtes la colonne, l'appui de la vérité. Non seulement la vérité s'appuie sur notre témoignage, mais les gens sont à regarder vos colonnes, les églises, et ils sont en train de lire votre message, ils sont en train de lire votre Dieu. Et s'ils voient de la discorde, s'ils voient de la déchirure, du compromis, ils ont une mauvaise lecture de qui est Dieu. L'Église, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Et notre comportement, nos interrelations doivent montrer la beauté, l'attrait de la vérité. Le monde regarde l'Église. Le monde regarde attentivement l'Église. Et savez-vous quoi? Il s'attend à la perfection. Il s'attend à la perfection de l'Église. Et lorsque l'Église, elle se déchire, lorsqu'elle se corrompt, elle donne une raison au monde de rejeter le christianisme. J'ai juste entendu les nouvelles récemment encore. On parle des Autochtones puis des cimetières. Je suis sûr qu'il y avait des centaines de personnes qui ont servi ces gens-là, croyant rendre gloire à Dieu. Dénomination catholique, anglican ou United, je ne sais pas. Mais beaucoup de ces gens-là ont servi pour plaire à Dieu en prenant soin des gens, mais ils n'ont pas été parfaits, voyez-vous. Et qu'est-ce que le monde fait lorsqu'il voit ça? Est-ce qu'ils sont en rogne contre la personne ou les quelques personnes qui ont fait ça? Non! On jette le christianisme avec ça. Regarde qu'est-ce que les chrétiens, ça fait. Ce n'est pas mieux que les autres. On blasphème Dieu. On laisse le monde blasphémer Dieu, je devrais dire, lorsque nous ne marchons pas dans l'harmonie. C'est beaucoup plus large que mon petit bonheur d'être en paix avec mon frère, avec ma sœur, qu'on ait une église qui se réjouit ensemble. Est-ce que nous manifestons Dieu et sa vérité à travers l'harmonie dans nos relations? Est-ce que je manifeste l'harmonie en présence des diversités ethniques, culturelles qui se développent de plus en plus parmi nous parce que le monde est devenu un grand village? Est-ce que je manifeste encore la vérité de Dieu à travers l'harmonie en présence de diversités sociales qui sont basées sur l'éducation ou sur le milieu de travail? C'est un chapeau blanc ou un chapeau bleu? Ou est-ce que tu as un quatrième diplôme universitaire ou une quatrième année forte? Comme disait ma mère. Ça avait compté bien mieux que bien du monde. Elle avait sa quatrième année forte. Mais est-ce que je fais des distinctions à travers l'éducation que tu as reçue? En présence de diversité générationnelle? La jeunesse, c'est les aînés. Les aînés, sont-ils ouverts à la jeunesse, à les accueillir, à entendre leurs défis, leurs motivations? Est-ce que les jeunes ont le respect pour les personnes qui sont plus âgées? Est-ce qu'on a de l'accueil pour les familles qui ont beaucoup d'enfants ou qui ont de la difficulté à tout gérer ça? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on est inclusif? Ou est-ce qu'on est exclusif? Moi, je suis là. Toi, t'es là. Que Dieu te bénisse. Moi, je vais faire mes affaires. Dieu nous appelle à manifester l'accueil de l'autre. Il nous appelle à la sensibilité les uns pour les autres et à l'harmonie à travers nos relations. Alors, quel est l'appel de Dieu pour nous ce matin? Dieu nous appelle à l'harmonie. Pourquoi? Parce que c'est un commandement d'abord. Accueillez-vous, ce n'est pas optionnel. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste un souhait, ce n'est pas juste un vœu pieux. C'est un commandement qui nécessite notre engagement personnel. Accueillez-vous, continuez de vous accueillir les uns les autres. C'est un commandement d'abord. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle parce que c'est aussi là où Dieu envoie sa bénédiction. Là où il y a l'harmonie dans l'Église, Dieu envoie sa bénédiction. Vous connaissez le psaume 133? Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La NIV, la New International Version en anglais, elle ajoute quelque chose qui est dans le texte original aussi, in unity. Elle ajoute, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Pas juste d'être ensemble puis de dire on est 72 aujourd'hui, on est 360, c'est merveilleux, mais être ensemble dans l'unité. Et là, il donne deux images. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le sacrificateur et le représentant de Dieu parmi son peuple. Et quand il y a l'harmonie, c'est comme la présence de Dieu qui se manifeste dans tout le corps du sacrificateur, qui descend de sa tête, de sa barbe, de ses vêtements, et qui entre dans notre communauté, qui nous bénit par sa présence. Et il dit, c'est aussi comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Comme la rosée qui descend elle aussi, puis qui bénit la terre, qui fait en sorte que la terre produise, puis que les gens aient la joie, que la terre produise ses fruits. C'est comme l'huile qui envoie la présence de Dieu parmi son peuple. C'est comme la rosée qui envoie la bénédiction parmi son peuple. Et il termine, car c'est là, c'est à cet endroit-là, quand il y a cette unité-là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Qu'il envoie la vie et qu'il l'envoie pour l'éternité. Or, c'est un commandement, l'appel à l'harmonie. C'est aussi là où Dieu envoie sa bénédiction. Et c'est un cercle grandissant. L'harmonie, elle débute avec moi et avec toi, autour de chacun de nous comme étant des artisans de paix dans notre milieu familial, dans l'église locale, dans d'autres communautés chrétiennes. Ça se manifeste proche, localement. Paul, présentement, quand il écrit Romains, il est en route pour aller à Jérusalem. Il a entendu que les croyants juifs de Jérusalem, il y avait une famine, puis ils mouraient de faim, puis ils avaient besoin d'aide. Alors, il a décidé, dans les églises de païens, de non-juifs, de faire une collecte un peu partout. Et là, il ramène la collecte à Jérusalem. Et c'est vous ce qu'il dit? Il dit, si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, si les païens ont eu part à l'avantage spirituel des Israélites, des Juifs, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Si les païens ont bénéficié des bénédictions à Israël, c'est bien du moins que maintenant les païens essayent aussi de bénir Israël par des moyens pratiques, matériels. Ça commence proche, ça commence à découvrir comment est-ce que je peux être un artisan de paix autour de moi. Et ça va aller jusqu'à bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Quel beau chant. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le roi. Bientôt, très bientôt, Jésus va venir. Et lui, il va continuer ça. Il va établir la paix mondiale, durable. Et la Bible dit, les nations de la terre espéreront en lui. Et entre mon nombril à moi et le monde où que Dieu va venir se lever puis régner sur les nations. Entre-temps, les nations, ils doivent trouver des moyens de trouver la paix et l'harmonie. Et oui, notre monde se sert de grands événements comme les Olympiques, comme les grands rassemblements de l'ONU, comme l'Union européenne, comme le G7, comme le G21. Mais on attend toujours que Jésus se lève, le texte dit, qu'il se lève pour régner sur les nations. Et à ce moment-là, on va peut-être chanter une toune un petit peu différente de Raymond Lévesque. quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Et nous, nous serons avec le Seigneur, mon frère. Je ne sais pas si Raymond Lévesque aurait dit ça de cette manière-là. Mais ça s'en vient. Un jour, on va être avec le Seigneur et un jour, les hommes vivront d'amour. Un jour, les soldats vont être troubadours pour célébrer d'une seule voix, d'une seule cœur, notre Sauveur, notre Créateur. Alors, à chacun de nous ce matin, le besoin de nous évaluer, d'évaluer notre participation, notre influence, notre responsabilité à promouvoir l'harmonie autour de nous, entre les croyants de l'Église et dans l'Église at large. Puissions-nous alors, Paul termine avec cette prière, puissions-nous par la puissance de l'Esprit goûter à cette réelle harmonie qui sert Dieu et qui le glorifie, tout en anticipant le jour où toutes les nations de la terre vont espérer en lui, vont se confier en Dieu. Et c'est ma prière ce matin aussi, que le Dieu de l'espérance nous donne de rechercher et de vivre l'harmonie et l'unité à travers notre service, à travers notre célébration du Dieu vivant. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix et de toute espérance dans la foi, par la puissance de son Esprit, en attendant son retour bientôt. Ô Seigneur, merci parce que si tu nous appelles à nous accueillir les uns les autres, c'est parce que toi tu l'as déjà fait, comme tu nous as accueillis en Christ, à grands coups. Pour mon Sauveur bien-aimé, qui a dû quitter sa gloire, revêtir l'humanité, souffrir à ma place, substituer sa vie à la mienne. Merci Seigneur Jésus pour ton engagement à créer l'harmonie, à détruire l'inimitié, les murs de séparation. Donne-nous en retour, Seigneur, de rechercher ta gloire. En recherchant et en manifestant cette harmonie, cette unité tellement chère pour toi, présentement et pour l'éternité, pour notre bien, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen.